Chapitre 19, deuxième partie et fin du livre Dans les steppes de la mer Caspienne. Ceci rend très vraisemblable le rôle de l'une des plus charmantes créations de George Sand, la charmeresse des oiseaux qui figure dans Teverino. Pour jeter un peu de variété dans nos plaisirs, la baronne nous conduisit un jour chez un de ses voisins de campagne, vivant tout seul, dans sa propriété, non par égoïsme ni misanthropie, mais dans l'unique but de se livrer, sans distraction, à sa passion pour la botanique. Un profond ravin sépare les deux propriétés et rend la route assez dangereuse pour qu'on soit obligé de se faire traîner avec des bœufs. C'est dans cet étrange équipage, escorté d'un tatar, ayant une longue gaule en main, que nous arrivâmes chez M. Favisky, qui fut tout charmé et tout embarrassé de recevoir des dames. On sait combien les célibataires, et surtout les savants, sont gauches en pareille occurrence. Aussi m'attendais-je à un fort mauvais dîner et à mille incidents burlesques, mais tout se passa pour le mieux, grâce à l'initiative que prit la baronne dans tout ce qui était détail de ménage. Elle eut de plus une charmante idée, celle d'envoyer chercher les beautés tatars du village pour me les faire passer en revue. À leur arrivée, nos messieurs durent quitter le salon qui fut aussitôt transformé en un véritable harem par la présence de ces jeunes femmes, d'abord timides et farouches, comme de vraies gazelles, mais qui finirent bientôt par s'apprivoiser. À notre prière, elles se furent vite débarrassées de leurs babouches et de leurs voiles pour nous donner la représentation de leur danse nationale. Bien mieux, elles s'enhardirent jusqu'à nous prier de faire comme elles, requête qui eut un plein succès. Laissant donc toute gravité de côté, nous nous mêlâmes à leur danse, tâchant d'imiter l'indolence de leur pose, tandis que de leur côté, elles essayaient un galop sur un air tatar. C'était un spectacle vraiment amusant. L'une de ces femmes me surprit par les lignes magnifiques de son visage. C'était une tête d'impératrice telle qu'on en voit sur les anciennes médailles. Semblables à des enfants, elles se familiarisèrent si vite et si bien qu'au bout d'un quart d'heure, elles nous avaient affublés de leurs vestes et de leurs voiles, se pavanant elles-mêmes dans nos châles et chapeaux. Au beau milieu de ce travestissement, j'eus la perfidie d'ouvrir la porte à mon mari qui se tenait piteusement derrière. Coup de théâtre d'un comique achevé. Courant çà et là comme des biches effarouchées, elle faisait semblant de se cacher le visage, mais au fond, prenant bravement leur parti de cet incident imprévu. La preuve, c'est qu'au résumé, toutes restèrent dévoilées. 3 semaines s'écoulèrent vite en une aussi charmante intimité, mais l'heure du départ finit par arriver après avoir été plusieurs fois ajournée et force fut d'interrompre une liaison qui nous semblait déjà ancienne, tant nous étions charmés l'une de l'autre. La veille du départ, nous sortîmes de bonne heure dans l'intention de faire une dernière et longue promenade. Je dois dire, pour l'éclaircissement de ce qui va suivre, que dans nos excursions précédentes, la baronne avait toujours évité le chemin de Dimirji, se faisant un plaisir de lui tourner constamment le dos. Cette répulsion s'expliquait facilement. Dimirji, jadis sa résidence, était liée à d'horribles souvenirs et cela lui suffisait pour lui en rendre la vue insupportable. Ma surprise fut donc extrême en voyant la baronne prendre avec intention le petit sentier si soigneusement évité jusqu'alors. Je compris que quelque chose d'extraordinaire la préoccupait et la suivit avec une véritable curiosité. À mesure que nous avancions, le front de la belle châtelaine s'assombrissait visiblement et, certes, sans une fausse honte, elle eût fait plus d'une fois volte-face. mais excité par le désir de lire enfin dans son cœur, je l'étourdissais de mes récits et je lui faisais hâter le pas tout en lui racontant ce qui se passe sous une tente kalmouk ou dans la houle d'une princesse circassienne. Ma ruse eut un plein succès. Nous atteignîmes les premières maisons du village sans avoir la possibilité de reculer, car notre apparition, événement inouï dans l'endroit, fut saluée par de vrais cris de joie. Toute la population féminine nous entoura immédiatement en accablant leur kokona, kokonitsa, dame, petite dame, de témoignages d'affection et de respect. Les unes baisaient le bas de sa robe, d'autres nous offraient des dolces à la façon orientale, avec de grands verres d'eau limpide. Les jeunes filles, curieuses et timides, se montraient l'une à l'autre la baronne, dont les aventures romanesques leur avaient été racontées par leur mère. Tout cela formait une scène charmante de naïveté et de couleurs locales. Fortement émue, ma compagne se laissa entraîner jusque sur la place, reconnaissant avec une joie presque enfantine les lieux et les physionomies qui lui avaient été si longtemps familiers. Dans leur ravissement, la plupart des femmes mirent leur voile de côté, ce qui me fournit l'occasion de voir quelques têtes vraiment belles. Ce premier étourdissement passé, il fallut bien se décider à apercevoir certaines portes qui, sans doute par hasard, s'entrouvrit comme pour nous engager à en franchir le seuil. Ai-je besoin d'ajouter que cette porte, ombragée de deux vigoureux platanes, était celle de l'ancienne habitation de la baronne ? « Savez-vous, me dit-elle en la regardant avec une fixité singulière, savez-vous qu'il y a 10 ans que j'ai passé là pour la dernière fois ?» Que de tristes révélations dans ces simples mots. Sans doute j'aurais dû être assez généreuse pour l'arracher à ce lieu maudit. Mais une ardente curiosité me rendit presque cruelle. Profitant de son trouble, je lui fis franchir cette porte qui, depuis 10 ans, s'était refermée sur sa jeunesse et ses amours. La maison, complètement abandonnée par le baron, n'avait pour tout habitant qu'un vieux gardien tatar dont l'aspect inculte et sauvage me causa presque de l'effroi. La vue de sa maîtresse le stupéfia. « Allah Kerim » murmura-t-il en entrant dans la maison pour ouvrir la porte et les croisées, qui ne l'avaient peut-être pas été depuis la fatale catastrophe. Arrêtés un moment dans la cour pour attendre le gardien, nous vîmes tout à coup sortir d'une niche à moitié enterré sous des décombres, un misérable chien efflanqué, grelottant malgré le soleil, et qui, par l'admirable instinct accordé à ces animaux, venait de sentir la présence de sa maîtresse. L'émotion de celle-ci fut tellement vive en reconnaissant un compagnon des anciens jours que sa figure se couvrit à l'instant de larmes. Pauvre Salguir, pauvre Salguir! Et elle ne pouvait dire autre chose. C'était un lévrier noir, d'origine persane, admirable de forme, mais si maigre, si chétif, si transparent, que rien n'était plus pitoyable que son aspect. « Voyez, me dit la baronne en le caressant tristement, si tout ici n'est pas marqué du sceau de la tristesse et de l'oubli. Jadis, la vie, le soleil, la jeunesse, animé jusqu'aux pierres de cette cour qui a vu passer tant de joyeuses cavalcades. Jadis, ce pauvre animal était beau, léger, heureux, comme tout ce qui est aimé. Maintenant, regardez ces débris, cette mousse verdâtre, ce puits dégradé, ces folles herbes qui ont effacé la trace de mes pas, et convenez qu'une espèce de malédiction pèse sur ces lieux. On sent, on devine que la vie y fut arrêtée par une de ces crises fatales qui brisent tout, hommes et choses. La nature elle-même, douce et souriante aux jours rapides du bonheur, se complaît à détruire ce qui n'est plus animé du souffle de l'intelligence et de la passion. avec quelle étrange souplesse elle sait refléter les variations morales de notre être. Sommes-nous heureux? Son soleil nous caresse, ses fleurs nous enivrent, ses brises nous bercent. Tout devient séduction, jusqu'au brin d'herbe qui fleurit sous nos pas. Le bonheur s'est-il envolé? Elle reprend sourdement son œuvre de destruction. Les objets s'altèrent, les formes s'effacent, les lignes se brisent, et tout porte l'empreinte de la suprême désolation. Hélas, cette maison en est une preuve frappante. Elle eut sa jeunesse, sa fraîcheur, sa coquetterie quand j'étais jeune, belle et coquette. Actuellement, elle est sombre, humide, dégradée. Parce que vous êtes vieille et laide, lui dis-je en souriant, n'est-ce pas la conséquence logique de votre raisonnement? Seulement, le premier miroir venu se permettra de vous donner un éclatant démenti. Tenez, malgré la teinte un peu verdâtre de celui-ci, regardez ce doux et frais visage, ces yeux brillants, cette abondante chevelure, et dites-moi si tout cela est en harmonie avec l'aspect peu attrayant de ce qui vous entoure. « Oh, sans doute, » reprit-elle avec un sourire navré, « je n'en suis pas encore arrivée physiquement à ce degré de vétusté. Mais si vous pouviez lire au fond de mon âme, vous la verriez aussi sombre, aussi désolée que ces chambres privées d'air et de lumière. Quiconque est doué d'un peu d'imagination comprendra le charme mélancolique que je devais puiser dans la vue de cette femme belle et romanesque qui, après tant d'années d'absence, se retrouvait, comme par enchantement, sur le théâtre de sa première jeunesse. Quel monde de souvenirs, de pensées, de regrets devait s'agiter dans son âme en face de ces objets, lettres mortes d'un livre à jamais fermé. Dans toutes les chambres régnait une humidité glaciale, une odeur de moisi qui prouvait leur état d'abandon. La baronne me conduisit ainsi d'une chambre à l'autre, me décrivant minutieusement la destination de chaque pièce avec une volubilité qui trahissait la fièvre dont elle était animée. Une seule pièce restait à visiter, la chambre à coucher. Ma compagne devint fort pâle en y entrant, et d'un geste me montra le portrait de son mari et le sien, séparés par une horloge de forme antique dont l'aiguille immobile ajoutait à la tristesse du lieu. Longtemps, je considérais la tête hautaine et sombre du baron. Son regard irrité semblait suivre tous nos mouvements avec une persistance fatidique. Ses traits hardis, fortement accusés, offraient l'emblème de la force brutale, et je me sentis toute frissonnante en songeant à ce qu'avait dû souffrir sa femme dans les premières années de leur union. Tout le passé de cette dernière se trouvait justifié par la physionomie dure et farouche d'un tel mari. Les mains crispées sur sa poitrine, la baronne s'enivra, pour ainsi dire, de l'excès d'amertume puisé dans cette triste contemplation. « Voilà donc, disait-elle avec une espèce d'égarement, ce regard qui me glaçait, cette bouche d'où ne sortaient que des paroles d'ironie et de dédain, cette poitrine où n'a jamais battu un cœur généreux, cette main. » Je l'entraînai sur le balcon où, vaincu par ses émotions, l'influence des lieux et le besoin d'expansion qui se fait si vivement sentir dans la solitude, elle m'ouvrit son cœur. Elle me fit un récit simple mais émouvant de tout ce qu'elle avait souffert, me peignant avec force le malheur d'une jeune fille unie à un homme dont le cœur s'est usé dans mille amours, dont l'âme s'est pervertie et qui ne peut accorder à sa femme qu'une amitié fondée sur l'habitude, sentiment très insuffisant pour un cœur jeune, avide d'aimer. Et encore, ajoutait-elle, puis-je dire qu'il m'est accordé cette amitié quand tout son plaisir était de froisser mes goûts, mes sentiments, mes croyances, mes instincts? toujours armé d'une froide ironie, il me blessait sans cesse et me rendait la vie réellement insupportable. La promesse de garder pour moi seule les confidences de ce cœur brisé m'oblige à laisser mon récit incomplet. Je n'ai eu d'autre but que de rappeler le souvenir d'une simple promenade dont l'impression est ineffaçable. Tout conspirait à exalter au plus haut degré mon imagination. Il y avait entre ce qui nous entourait et les confidences de la baronne une harmonie complète. C'était l'heure où le rossignol chante, où les fleurs enivrent, où la brise de mer murmure. C'était l'heure où il n'est permis de parler que d'amour, de jeunesse et de poésie. En écoutant la baronne évoquer ses fraîches années avec un accent si touchant, il me semblait voir les têtes blondes et rieuses de ces dernières apparaître à travers les massifs de lilas, de cytises et d'acacias qui secouaient sur nous leurs grappes embaumées. 2 jours après, j'étais à bord du Saint-Nicolas, Piroska faisant le service entre Yalta et Odessa, regardant avec un inexprimable regret les côtes de l'Atoride qui s'amoindrissaient de plus en plus à l'horizon et dont la silhouette dentelée finit par se confondre avec les vapeurs du soir. Fin du 19e chapitre et fin du Voyage dans les steppes de la mer Caspienne de Adèle Homère de Hell.